L'association de Liaoning de l'Association générale des Coréens en Chine et le département de propagande de l'Association des jeunes Coréens en Chine ont publié respectivement une déclaration en signe de soutien à la lettre ouverte du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée et au projet de la République populaire démocratique de Corée pour une paix et une sécurité durable dans la péninsule coréenne.